لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الله يفاوت بحكمته بين الأشهر ويخص البعض بما ليس في غيره، وها نحن ندخل في شهر شعبان. هذا الشهر ينبغي للمسلم أن يعتني به وأن يتفقه في جملة من الأحكام التي تتعلق به، منها أنه الشهر الذي قبل رمضان، قبل شهر رمضان، فمن كان عليه قضاء من رمضان لم يصمه بعد فليبادر إلى صيامه، لأنه لا يجوز له تأخير صومه حتى يدخل شهر رمضان من غير عذر شرعي. ومنها أنه شرع للمسلم الاستكثار من الصوم أو من نوافل الصيام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم أكثره. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه إلى أن قال: وكان أحب الصوم إليه في شعبان. حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ثم إن أهل العلم اجتهدوا في البحث عن سبب إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان، وأوضح الأقوال ما جاء مصرحا به في حديث حبه بن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند ابن خزيمة. يقول أسامة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الأشهر ما تصوم من شعبان. قال: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. ومن الحكم التي استنبطها أهل العلم أن صيامه يكون كالتمهيد والتدريب لصوم رمضان حتى لا يثقل عليه، بل يسهل عليه الصوم فيتفرغ في عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الذي خلقنا ربنا لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن الأحكام المتعلقة به أنه لا يجوز أن يصوم المسلم في آخر هذا الشهر، اليوم الآخر منه ولا الذي قبل آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. رواه البخاري ومسلم. وهناك مسألة: هل يجوز الصوم بعد انتصاف شعبان؟ روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في ثبوته. يقول الإمام النووي: باب النهي عن تقديم رمضان بصوم بعض نصف الشعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادة صوم اثنين والخميس. فنفهم من تبويب العلامة الألباني النووي رحمه الله تعالى أنه يجوز لك يا عبد الله تصوم بعد النصف من شعبان إذا كنت قد بدأت الصيام قبل النصف أو وافق عادة كان عندك ووافقه، أو قال بنحو العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الحديث صحيح. كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف. وأما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة. ومن أهم المسائل التي تتعلق بهذا الشهر الكريم ليلة النصف منه، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. صححه العلامة الألباني. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك. وهذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني. فهذا حديثان عظيمان، ومعنى المشاحن من كان بينه وبين أخيه بغضاء والشحناء أو بقلبه حقد وحسد على إخوانه. فهذه إشارة عظيمة لكل مسلم من مغفرة الله سبحانه وتعالى العزيز الغفار، وما أكثر ذنوبنا وما أكثر حاجتنا إلى مغفرته سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث تحذير شديد ونهي أكيد عن الإشراك بالله العظيم، فهو أكبر الذنب وأعظم ما عصي الله به، فهو الذنب الذي لا يغفر. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى إخبارا عن فروض عمل المشركين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا في الحديث حث على السماحة وعلى إصلاح ذات البين. وقال جل وعلا في هذا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى العمل الصالح في شعبان، وأن يبلغنا رمضان على أتم إيمان وصحة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans certains mois certains mérites qu'il n'y a pas dans d'autres. Et sans aucun doute, le mois le plus béni et le meilleur mois de l'année est le mois de Ramadan, le 9e mois lunaire. Avant celui-ci, il y a un mois qui se nomme Sha'ban. Et c'est un mois dont beaucoup sont distraits. Cela car il se trouve entre Rajab, qui est un mois qui a été vénéré au temps de la période islamique, et entre le mois de Ramadan, qui est un mois dont tout le monde connaît le mérite de par la révélation du Coran durant ce mois-ci. Et entre les deux, il y a le mois de Sha'ban. Ce mois est un mois particulier auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné beaucoup d'importance. Il nous faut donc apprendre et savoir que ce mois a certaines règles qui lui sont propres. Parmi ces règles, le fait de savoir que celui à qui il manque des jours ou celle à qui il manque des jours de jeûne du mois de Ramadan doit s'empresser de s'en acquitter durant ce mois. Car il n'est pas permis aux musulmans ou à la musulmane d'entrer dans le mois de Ramadan sans avoir jeûné les mois qui lui manquaient du Ramadan passé. Et celui qui retarde ses jours à jeûner jusqu'à l'entrée du mois de Ramadan prochain aura désolé Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela bien sûr, sauf si c'est la personne qui a une excuse religieusement valable, comme la femme qui était enceinte ou qui a allaité, qui n'a pas eu la capacité de jeûner, comme la personne qui est malade. Parmi les règles de ce mois, le fait de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup de jours durant ce mois, jusqu'à ce que certains parmi les compagnons ont dit il jeûnait tout le mois de Sha'ban. Et dans d'autres hadiths, il jeûnait la plupart du mois de Sha'ban. Comme cela a été cité par Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Nawawi, Yahya ibn Sharafuddin rahimahullah ta'ala, nous dit le deuxième hadith et l'explication du premier hadith. C'est-à-dire, il jeûnait la plupart du mois et l'explication de il jeûnait tout le mois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas tout le mois de Sha'ban, mais la plupart du mois de Sha'ban. Et on a en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam un parfait exemple à suivre, comme Allah azza wa jalla nous le dit dans le Coran. Aisha radiallahu anha nous dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner tout un mois hormis le mois de Ramadan. Et le mois qu'il jeûnait le plus, et je ne l'ai jamais vu jeûner plus que ce mois en dehors du mois de Ramadan, c'est le mois de Sha'ban. Donc le mois dans lequel nous allons entrer. Anas ibn Malik nous rapporte la même chose en ajoutant à la fin du hadith, et c'était le mois dans lequel il aimait le plus jeûner. Donc prenez exemple sur votre bien-aimé, votre prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont fait des efforts afin de découvrir quelle était la sagesse qui poussait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à jeûner autant dans le mois de Sha'ban. Et la parole la plus évidente, la parole la plus claire et la plus authentique citée par les savants pour expliquer l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un hadith, le hadith du bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Usama ibn Zayd. Dans ce hadith, Usama nous dit: j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais vu jeûner plus que durant le mois de Sha'ban. Pourquoi cela, au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: c'est un mois qui entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les gens sont distraits. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui la khutba a pour sujet le mois de Sha'ban, afin de ne pas entrer dans ceux qui sont distraits du mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite: c'est un mois durant lequel les actions sont élevées auprès du Seigneur des noms. C'est un mois où les actions sont élevées à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors j'aime que mes actions soient montées vers Allah en étant en état de jeûne. J'aime que mes actions soient présentées à mon Seigneur en étant en état de jeûne. Donc voici la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup du mois de Sha'ban, car c'est le mois durant lequel nos actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, les savants citaient quelques sagesses en disant de celui qui jeûne beaucoup durant le mois de Sha'ban, cela sera pour lui comme un entraînement et comme un préalable pour le jeûne du mois de Ramadan. Donc cela ne lui sera pas difficile. Celui qui jeûne beaucoup pendant le mois de Sha'ban se sera habitué à se retenir de la nourriture, des boissons et d'autres choses. Alors lorsque le mois de Ramadan entrera, il sera parfaitement préparé pour le jeûner. Il n'y aura pas donc la même fatigue que les autres, il pourra donc se décharger et se consacrer à l'adoration de son Seigneur, la chose pour laquelle il a été créé. Parmi les règles à savoir concernant ce mois, le mois de Sha'ban, le fait qu'il n'est pas permis, c'est haram de jeûner le dernier jour du mois de Sha'ban, donc la veille du mois de Ramadan. La veille du mois d'entrée de Ramadan, c'est interdit de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne précédez pas le jeûne du mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou de deux jours. Donc c'est interdit, de ce hadith on tire l'interdiction de jeûner la veille du mois de Ramadan et le jour qui le précède. Donc les deux jours précédant le mois de Ramadan sont interdits au jeûne. Ensuite, une question qui a été posée par les gens de science, est-ce qu'il est permis de jeûner après la moitié du mois de Sha'ban, c'est-à-dire à partir du 16 du mois de Sha'ban, est-ce que c'est permis de jeûner? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, arrive à la moitié du mois de Sha'ban, ne jeûnez pas. Les savants divergent quant à l'authenticité de ce hadith. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a intitulé un chapitre dans son livre, dans son grand livre Riyad Salihin, le jardin des vertueux, en disant, l'interdiction de précéder le mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou de deux jours, sauf celui qui a commencé à jeûner avant la moitié du mois, ou celui qui a un jeûne habituel, comme celui qui jeûne le lundi et le jeudi. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit une parole semblable. Ibn Baz, ce grand imam, répond à cette question en disant, le hadith est authentique. Le hadith est authentique. Comme l'a dit le grand savant, le frère Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Mais ce qui est voulu du hadith, l'interdiction de jeûner, ou bien ne commencez pas le jeûne du mois de Ramadan par un jour ou deux, c'est l'interdiction de commencer à jeûner à partir de la moitié du mois. Donc celui qui a commencé à jeûner avant la moitié du mois a la permission de jeûner même après la moitié du mois. Contrairement à celui qui n'a pas jeûné avant la moitié du mois, il ne pourra pas commencer son jeûne à partir du 16 du mois de Sha'ban. Exception faite également de celui qui a l'habitude de jeûner certains jours, comme le lundi et le jeudi ou d'autres choses. Celui-ci a la permission de le jeûner. Et une des questions les plus importantes durant le mois de Sha'ban, c'est la nuit à la moitié du mois de Sha'ban. Durant cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah regarde ses créatures à la moitié du mois de Sha'ban, dans la nuit de la moitié du mois de Sha'ban, et il pardonne à l'ensemble de ses serviteurs. Il pardonne à l'ensemble de ses serviteurs, sauf deux personnes. Sauf deux personnes. Celui qui est en dispute avec son frère et celui qui est un associateur, al-mushrik. Celui qui fait du polythéisme et celui qui est en dispute avec son frère ou la femme qui est en dispute avec sa sœur, Allah Azza wa Jalla ne les pardonne pas ce jour. De ce hadith, on tire cette bonne nouvelle. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla, à la moitié du mois de Sha'ban, pardonne l'ensemble de ses serviteurs. Et ô combien nous avons besoin de ce pardon. De ce hadith, on tire également la gravité du shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ici clairement qu'Allah ne pardonne pas. Al-Ghaffar, le grand pardonneur, ne pardonnera pas cette nuit à l'associateur. Et Allah Azza wa Jalla nous a démontré clairement la gravité de ce péché, c'est le pire péché. Allah dit dans le Coran qu'il ne pardonne pas à celui qui lui donne un associé. Il nous dit dans le Coran qu'il a interdit d'entrer au paradis pour les associateurs. Il nous dit dans le Coran que celui qui commet le polythéisme, Allah annule l'ensemble. l'ensemble de ses actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet du pire péché, a répondu, c'est le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui nous a créés. Et dans un autre hadith, al-ishraku billah. Donc préservez-vous du shirk. Le grand et le petit parmi les exemples du grand polythéisme, le fait d'invoquer un autre qu'Allah, le fait d'égorger une bête pour un autre qu'Allah, pour un dîme, pour un saint ou auprès d'une tombe, le fait de se prosterner devant un autre qu'Allah Azza wa Jal, tout cela fait partie du polythéisme majeur. Le fait de craindre un mal d'une création comme on craint Allah subhanahu wa ta'ala, cela est le fait de donner un égal à Allah et ça rentre également dans le polythéisme majeur. Le fait de prétendre connaître les choses de l'invisible, le fait de prétendre connaître l'avenir et le futur, tout cela fait partie du polythéisme majeur. Et de cela on comprend que les devins, que les sorciers, tous ces gens-là sont des polythéistes et des mécréants, en plus d'être des menteurs et des charlatans. Parmi les sortes de petits polythéismes, il y a le fait de jurer par un autre Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de jurer sur ses parents, comme le fait de jurer sur la tête de ses enfants, ou par l'amana, ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela rentre dans le polythéisme mineur. Parmi les formes de polythéisme mineur, le fait de s'accrocher des talismans, le fait de s'accrocher des porte-bonheur, que ce soit sur les portes, dans la voiture ou dans la maison. Comme certaines personnes accrochent la main de Fatima, qu'ils appellent la main de Fatima. Comme certains accrochent l'œil de je ne sais pas qui, et ainsi de suite. Tout cela fait partie du polythéisme. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui protège. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui ramène le bien, qui repousse le mal. Subhanahu wa ta'ala. Et pour conclure de ce hadith, on tire la gravité de diviser les rangs des musulmans. Allah Azza wa Jal n'aime pas la division. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas la division. Et c'est pour cela qu'on a interdit tout ce qui mène à la division des rangs des musulmans ou à l'inimité entre les frères et les sœurs. Allah Azza wa Jal dans le Coran, innama al-mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. Et nombreux sont les textes qui nous appellent à pardonner, à s'excuser les uns les autres. Il nous dit dans Allah dans le Coran, khudil afw wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran d'accepter le bon comportement des gens et de se détourner du reste. Il nous dit également walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. Allah fait les éloges dans le Coran de ceux qui s'éloignent des grands péchés et des turpitudes, et qui lorsqu'ils se mettent en colère, pardonnent par la suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit la division, nous interdit la jalousie, nous interdit l'envie, nous interdit tout ce qui peut causer la division dans les rangs des musulmans. Et il nous interdit de nous tourner le dos lorsque nous nous rencontrons, ou de ne pas nous saluer, en nous disant « Men hadra akha musana fa huwa kasaf ki dami » Il nous dit « Celui qui s'éloigne de son frère pendant un an, refuse de lui parler, c'est comme s'il avait fait couler son sang, subhanallah. » Combien sont ceux qui ne se parlent plus depuis des années et font partie de la même famille, le père et le fils, la mère et la fille, l'homme et son épouse, et ainsi de suite. Tout cela est haram et fait partie des grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre, cela nous montre ou nous encourage à nous excuser les uns les autres en nous disant « Isma' isma' lak » Sois indulgent envers les gens, on sera indulgent envers toi. Uqba ibn 'Amir nous dit « Laqitu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam faqala li Ya'qub ibn 'Amir Ya'qub ibn 'Amir sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu 'an man zalamak » Uqba ibn 'Amir lit celui qui a coupé les liens. Lis les liens avec celui qui les a coupés. Donne à celui qui a retenu. Et pardonne celui qui t'a opprimé. Et pardonne celui qui t'a opprimé. Alors choisis, cher frère, entre le pardon d'Allah Azza wa Jal à la moitié du mois de Sha'ban, ou bien le fait de continuer dans la haine et l'inimité avec les musulmans. Et pour conclure, sachez également que le fait d'être indulgent vers ses frères, de les excuser, c'est une cause pour rentrer dans le paradis d'Allah Azza wa Jal durant ce mois. Mais c'est aussi une cause pour entrer dans le paradis d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, Alors qu'il est assis en présence des compagnons, va entrer un homme dans une soudain. Très prochainement, il fait partie des habitants du palais. Un esprit malin, il dit, on avait un homme parmi les Ansar rentré dans la cible. Il tenait ses chaussons dans la main gauche et il venait de faire ses ablutions et l'eau coulait de lui. Le deuxième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose, va entrer à l'instant ou dans un instant, un homme faisant partie des habitants du barrage. Nous avons vu la même personne. Le troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit va entrer dans une seconde ou dans un court instant, un homme faisant partie des habitants du barrage. Nous avons vu entrer la même personne. Alors Abdullah ibn Amr al-As a dit je vais suivre cette personne et savoir quelles sont ces actions qu'ils lui ont voulu, qui ont fait qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé le paradis. Il est parti le voir et lui a dit, il y a quelque chose entre moi et mon père. Et j'ai promis de m'éloigner de lui durant 3 jours, est-ce que tu peux m'accueillir logique? Est-ce que tu peux m'accorder logique et m'accueillir chez toi? Et lui a dit, entre. Il est resté chez lui pendant 3 jours. Il nous dit, je n'ai pas vu de lui beaucoup de prières. Si c'est que lorsqu'il se réveillait la nuit, il faisait du dhikr. Et il parlait que en bien des choses. À la fin, j'ai commencé à mépriser, ou j'ai failli mépriser ses actions. Dans le sens, c'est-à-dire qu'il ne faisait rien de spécial. Alors je lui dis, ya Abdallah, au serviteur d'Allah, il n'y a rien entre moi et mon père. Mais j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'un homme parmi les habitants du paradis va rentrer, c'est toi qui entres. Et cela s'est répété 3 fois. Informe-moi de l'action que tu fais. Il lui a dit, il n'y a rien de plus que ce que tu as fait. Lorsque Abdullah ibn Amr a commencé à partir, il l'a appelé. Et il lui a dit, s'il y a une chose que je fais, c'est qu'il n'y a rien dans mon cœur contre un musulman. Subhanallah. Il n'y a rien dans mon cœur contre un musulman. Alors Abdullah ibn Amr a dit, voici la chose que nous n'avons pas réussi à faire. Il n'y a rien dans mon cœur à l'égard des musulmans. Je n'en veux à aucun musulman, il n'y a aucune haine dans mon cœur contre un musulman et je ne suis pas jaloux des bienfaits qu'Allah a accordés à mes frères. Abdullah ibn Amr est parti en disant, voici la chose qui t'a fait entrer au paradis. Voici la chose par laquelle tu nous as dénoncé. On a dit Allah subhanahu wa ta'ala, allez balayer la chambre Ramadan, Allahumma balayer la Ramadan, Allahumma balayer la Ramadan, ala iman wa siha, wa jiddi wa shihad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, ka hamidu majid. Allahumma balik ala Muhammad wa ala Muhammad, kama balik ala Ibrahim wa ala Ibrahim, ka hamidu majid. Allahumma fir lana dhunubana wa kaffir anna سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.